En février, je fais des crêpes. C'est le mois où je fais des crêpes moi aussi. En juillet, je pars en vacances. C'est le mois où je pars en vacances moi aussi. À 1 heure, je déjeune. C'est l'heure où je déjeune moi aussi. Le samedi, je fais des courses. C'est le jour où je fais des courses moi aussi. En 2001, j'ai passé mon permis. C'est l'année où j'ai passé mon permis, moi aussi.